Parmi nous, certaines personnes ont tendance à avoir une stabilité financière bien supérieure à celle que nous pourrons jamais atteindre. Leur luxe vous fera bondir. Leur goût en matière de consommation vous feront tomber la mâchoire et leurs normes vous feront remettre en question votre existence. Oui, nous parlons de milliardaires et si vous y réfléchissez, il y a beaucoup de choses à dire. Selon une étude récente, un milliardaire moyen ne dispose que de 1% de l'ensemble de ses revenus et de son épargne sous forme de liquidité. Cela signifie que si un milliardaire comme Jeff Bezos utilise sa carte de crédit, il ne sera pas surprenant de ne voir que quelques milliers de dollars sur son compte bancaire. Comment cela se fait-il? Rendez-vous à la fin de la vidéo pour le découvrir. C'est parti! Où les milliardaires gardent-ils leur argent? Une question extrêmement innocente. Pourquoi les milliardaires ne gardent-ils pas leur argent dans les banques, sous forme d'espèces, comme le ferait toute personne normale? C'est parce que cela pourrait les rendre extrêmement visibles et repérables pour les autorités et le gouvernement. Et pourquoi est-ce une mauvaise chose? Cela signifie qu'ils devront rendre des comptes pour chaque centime qu'ils ont sur leur compte bancaire. Ils devront payer des impôts et répondre au gouvernement de l'origine de leur argent. En plus de cela, le fait que si vous voulez réussir, vous devez investir votre argent à plusieurs endroits et le placer dans différents domaines est également extrêmement important. Jetez un coup d'œil à tous les milliardaires du monde. Pensez-vous que Bill Gates a investi dans une seule entreprise? Pensez-vous que Jeff Bezos a tout son argent en un seul endroit? Et pensez-vous vraiment que Tesla est la seule chose qui profite autant à Elon Musk? Il va sans dire que la vie est imprévisible. Si vous avez investi tout votre argent dans une seule entreprise et que soudain, un événement malheureux se produit et que vous devez subir une grosse perte, cela signifie que tous vos investissements seront perdus. En revanche, si vous avez investi des parts relativement petites dans différentes entreprises, vous avez plus de chances de réussir. Comment? Par exemple, si vous investissez dans une entreprise et qu'après un certain temps, elle subit une perte importante, que pensez-vous qu'il adviendra de l'argent que vous avez investi? Vous le perdrez entièrement. D'un autre côté, si vous avez investi des montants relativement faibles dans différentes entreprises, les menaces telles que l'instabilité des affaires, la fluctuation de la valeur des devises et les mésaventures seraient très dommageables dans la vie réelle. Numéro 1. Est-ce surprenant? Une banque. Ils le gardent dans une banque. Mais la banque dans laquelle ils gardent leur argent est très différente de celle où nous gardons notre argent. Comment? Votre compte en banque peut contenir quelques milliers, voire un million. D'un autre côté, même si nous avons dit qu'un milliardaire moyen ne conserve qu'1% de ses revenus sous forme de liquidité, cela signifie que son compte en banque est aussi bien garni qu'il peut l'être, sans attirer une attention négative ou inutile qui pourrait le rendre responsable de chaque centime qu'il possède. C'est pourquoi les banques disposent de services spéciaux destinés à servir et à satisfaire leurs clients extrêmement riches et précieux. Par exemple, il existe une division de gestion privée destinée à leurs clients fortunés qui dispose d'une valeur nette impressionnante. Ces clients sont appelés clients HNWI. Ces clients fortunés traitent des millions et ont besoin d'une sécurité et d'une confidentialité particulière pour se tenir à l'abri des autorités et de l'attention négative. Être un client fortuné a aussi ses petits avantages. Ces avantages n'ont peut-être pas d'importance pour eux, mais pour nous, citoyens ordinaires, ils ont une grande signification. Par exemple, si vous êtes un client fortuné qui a besoin d'une division de patrimoine privé, il va de soi que vous aurez votre conseiller, un gestionnaire qui s'occupera de vos affaires et d'autres avantages intéressants comme le fait de ne pas avoir à payer de chèques de banque ou de frais de virement bancaire. Cela peut ne pas sembler très intéressant pour quelqu'un qui est milliardaire, mais pour des gens comme nous, qui ne sont pas très riches, ces petits avantages semblent très intéressants et géniaux. Ainsi, la banque peut être une bonne option pour les milliardaires pour garder leur argent, mais il y a un certain montant que vous pouvez mettre sur votre compte bancaire et ne pas attirer une attention inutile. Si vous ajoutez et retirez continuellement de gros montants, les gens commenceront à se méfier et vous risquez d'avoir des gros problèmes juridiques. La banque n'est pas toujours la meilleure option, mais quelle serait une bonne alternative? Jetons un coup d'œil à quelques milliardaires et à l'endroit où ils conservent leur argent afin de comprendre un peu mieux la situation. Jeff Bezos. De qui devrions-nous parler? Pourquoi pas de Jeff Bezos? Ça semble être un bon début. Qu'en pensez-vous? Où ce type garde-t-il son argent? Pas sur son compte en banque, enfin pas tout. Le gars garde un montant très raisonnable sur son compte en banque. Mais en même temps, il est indéniablement l'une des personnes les plus riches de la planète. Comment fait-il pour être l'homme le plus riche du monde et garder quelques milliers de dollars sur son compte en banque? Facile. Il les investit dans différents domaines et ne cesse de tester ses limites. Par exemple, le mania des affaires possède 3% des parts de Business Insider. Et tout le monde sait à quel point ce site est populaire. Quoi que vous essayiez de chercher sur Google, ne soyez pas surpris si vous voyez Business Insider dans vos recommandations et résultats. Ce site web est extrêmement célèbre et raconte les histoires mondiales de la technologie, de la finance, des médias, des soins de santé et de la stratégie. En bref, Business Insider raconte tout sur tout. Et pour couronner le tout, l'un des hommes les plus riches de la planète possède 3% de ses parts. non seulement actionnaire de Business Insider, mais Jeff Bezos est également un actionnaire très important et solide de Unity Biotech. Pour ceux qui ne le savent pas, Unity Biotech est une entreprise de recherche très célèbre et pleine de ressources, qui se concentre sur la préparation de médicaments et de traitements anti-âge. Son domaine de recherche est lié à la lutte contre le vieillissement des populations et à la construction du corps humain. Bezos étant un actionnaire très important, certaines personnes spéculent et parlent même de la façon dont il pourrait investir dans cette entreprise pour se rapprocher de l'immortalité. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas aussi surprenant que le fait que Jeff Bezos soit actionnaire d'une entreprise extrêmement amusante et étonnamment relaxante. Pensez-y, je vais vous donner un coup de main. Lorsque vous êtes épuisé après une longue journée et que vous souhaitez prendre un bain long et luxuriant, ou vous essayez de vous choyer autant que possible, quelle est la première chose que vous recherchez? Des bougies de luxe, c'est exact. L'un des hommes les plus riches de la planète se trouve être l'heureux actionnaire de Glassy Baby. Ce type ne fabrique pas de bougies, il prépare plutôt les petits verres dans lesquels la cire des bougies est versée et refroidie. Comment oublier aussi les Airbnb appartenant à Jeff Bezos? Surtout quand ils coûtent 112 millions de dollars. Vous voyez, le compte en manque de ce type n'a peut-être que quelques milliers de dollars, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas richissime. En plus d'investir dans certaines recherches qui se concentrent sur la lutte contre le vieillissement et le rapprochement de l'immortalité, de posséder beaucoup d'Airbnb, Jeff Bezos se trouve également avoir des parts extrêmement importantes dans Uber. La valeur marchande d'Uber est considérable, mais nous ne pouvons pas oublier les 37 millions de dollars investis par Jeff Bezos et la façon dont ils vont lui profiter même après sa mort. Et même ses enfants pourront en vivre. Bill Gates. Parlons maintenant de notre prochain milliardaire extrêmement riche et intelligent. C'est exact, nous parlons de Bill Gates. Une petite différence entre Bill Gates et les autres milliardaires est que les autres investissent directement dans des entreprises et des recherches sous leur propre nom. En revanche, Bill Gates investit dans des entreprises, des recherches et bien d'autres choses encore par l'intermédiaire de sa fondation Bill et Melinda Gates. Tout le monde sait que Bill Gates n'est pas un homme très sophistiqué et qu'il aime être un homme ordinaire, mais personne ne peut ignorer les cris d'étonnement et les coups de gueule lorsque les gens ont appris que ses actions Berkshire Hathaway valaient 50 millions de dollars. Inutile de dire que cet investissement était extrêmement surprenant et impressionnant. Mais le prochain investissement majeur de Bill Gates pourrait vous choquer. Il a investi dans les ordures. Oui, mesdames et messieurs, les camions verts qui circulent dans votre quartier le matin ou le soir sont liés d'une manière ou d'une autre à l'un des hommes les plus riches de la planète. Mais pour être très honnête, cet investissement peut sembler un peu étrange, mais il est extrêmement impressionnant. Au lieu d'investir dans des choses extravagantes, luxueuses et hors de portée d'un homme ordinaire qui travaille de 9 à 5, les gens peuvent investir dans des services qui sont plus accessibles à l'homme ordinaire et aux autres consommateurs. Plus le service est accessible et fait partie de votre routine quotidienne, plus il aura de succès. Bill Gates a déchiffré ce code et il se trouve qu'il possède des actions d'une valeur de 18,6 millions de dollars dans ce secteur. La valeur totale du marché est d'environ 2,1 milliards de dollars. Il serait donc tout à fait faux de dire que la décision de Bill Gates était mauvaise. Mark Zuckerberg. Notre prochain milliardaire, qui ne croit pas qu'il faut garder son argent à la banque et qui est plutôt innovant lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses finances, n'est autre que Mark Zuckerberg. Les trolls ont beau se moquer du fondateur de Facebook, rien ne change le fait que sa valeur nette est de 116,1 milliards de dollars. Mais où garde-t-il son argent? Le dieu de Facebook aime apparemment investir dans la propriété ou l'immobilier. Tout le monde sait combien le marché de l'immobilier est volatile de temps à autre. Pourtant, ce n'est jamais une mauvaise idée d'investir dans l'immobilier. Surtout quand on gagne autant que Zuckerberg et qu'on veut rester à l'abri des regards indiscrets, loin des autorités et des impôts. Zuckerberg possède une propriété de 100 millions de dollars à Hawaï et une autre de 59 millions de dollars à Lake Tahoe. La liste ne s'arrête pas là puisque l'homme a investi son argent dans l'immobilier à travers les États-Unis. Outre Hawaï et le Lake Tahoe, la Silicon Valley est l'un de ses endroits préférés lorsqu'il s'agit d'investir de l'argent dans l'immobilier. Et ce n'est pas comme si Mark Zuckerberg était le seul milliardaire à aimer investir dans l'immobilier. Contrairement à Bill Gates, connu pour ses choix et ses décisions décontractées, Jeff Bezos est lui aussi un grand fan de l'immobilier. Ce qui lui vaut d'être le 25e propriétaire foncier au monde. Ainsi, en plus d'investir dans différentes entreprises, dans l'immobilier, dans des propriétés et dans divers projets, les milliardaires font de leur mieux pour conserver leur argent dispersé afin qu'il soit difficile de le détecter ou de subir une perte qui pourrait les mettre en faillite. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'endroit où les milliardaires gardent leur argent et honnêtement, la réponse est partout. Vous vous êtes déjà demandé comment les PDG les plus riches voyagent? Cliquez sur cette vidéo juste à l'écran pour le découvrir. À la prochaine fois!